commence avec vous, Général Issa Diawara. Vous le savez si bien, le nord du Mali, qui a fait l'objet en 2015 de la signature d'un accord de paix, précisément l'accord d'Alger, et à cet effet, une pluie de réactions, une pluie également d'avis divergents. Pour d'aucuns, cet accord, cette renégociation, j'y arrive finalement, cette renégociation souhaitée par la médiation internationale n'est que un cache-sexe. Et à cet effet, Général Issa Diawara, proposition de la médiation internationale dirigée par ou alors conduite par l'Algérie, espoir en des lendemains meilleurs ou alors tentative d'instrumentalisation du Mali. Ok, merci beaucoup, Madame Céleste Capène. En fait, ce fameux accord d'Alger est moribond, arrive à sa fin, touche à sa fin. Ça fait depuis 2015 que cet accord a été signé. Depuis 2015, de 2015 à 2023, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ça, il ne faut pas l'oublier. Cet accord, il faudrait voir dans quel contexte il a été signé. Ce n'est pas un accord de paix, c'était un accord de capitulation. Une sorte de cessez-le-feu, c'est vrai qu'on parle d'un cessez-le-feu d'abord, qui a précédé cet accord, mais en réalité, c'était un accord de cessez-le-feu, une cessation des hostilités, puisque le Mali à l'époque, dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même très francophile, arrivait très épuisé à la signature de cet accord. Donc, rien de tout ce que... J'ai discuté avec certaines personnes qui ont participé à la délégation pour la signature de cet accord, aux négociations même du côté d'Alger. Beaucoup disent qu'en réalité, les préoccupations du Mali n'ont jamais été prises en compte. Dans l'accord, il n'y a presque aucun point faisant l'objet des préoccupations du Mali qui n'a été pris en compte. Tout a été attribué au groupuscule SEMA et autres. Or, à l'époque, cet accord, il faudra voir qui a participé à la négociation. Aucun militaire. Pourtant, il s'agit d'un accord qui engage la défense de la patrie. Donc, c'était un arrangement entre politiques du Mali, politiques d'autres pays. Donc, les militaires aujourd'hui qui ont pris le pouvoir au Mali ne se reconnaissent pas totalement dans cet accord. Ça, c'est un point important qu'il faudra noter. Et cet accord, comment les militaires maliens le vivent dans son âme? Le militaire malien sait dans quelles conditions il a perdu la bataille de Kidal. Or, le militaire malien aujourd'hui, qui s'est reconstitué, qui se trouve aujourd'hui une armée forte, une armée qui est montée en puissance, une armée qui fait trembler au-delà de la Méditerranée, n'est pas prêt aujourd'hui à faire appliquer cet accord. Résultat, c'est quoi? Pour ne pas aussi transporter la guerre qui se joue en Ukraine au niveau du Sahel, les autorités du Mali ne se retirent pas de l'accord, mais n'appliquent pas tout simplement l'accord. Parce que cet accord, d'ailleurs, ni les autorités du Mali, ni même les gens de la CEMA n'en veulent. Pas que ce qui n'est pas dit. La CEMA, aujourd'hui, pour elle, c'est une petite porte de sortie. Mais dans les faits, la CEMA, la promesse qui a été faite à la CEMA, c'est une indépendance du Nord Mali. C'est-à-dire quoi? Un accord qui devrait précéder, qui doit préparer l'indépendance de la partie nord du Mali. Madame Céleste Capène, dans quel pays du monde on acceptera un accord qui doit faire intégrer 80% des ressortissants du Nord dans les forces armées? Et les régions du Nord, il y a 80% de ces militaires doivent être originaires du Nord. C'est une régionalisation de l'armée, ça ne passe pas. Et les officiers qui doivent commander cette armée doivent être uniquement des officiers qui sont ressortissants du Nord. Jamais un officier du Sud doit commander une unité quelconque au nord du pays. Mais ça, c'est la partition du pays. On dit encore que les régions du Nord doivent avoir le droit d'élire le chef d'exécutif régional, le chef de la province. Et dans ce cas, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'il doit avoir un élu régional qui ne doit pas obéir au gouvernement central. On dit qu'il peut décider de la politique financière de sa région et qu'il a même droit d'une diplomatie, mais c'est l'indépendance. Comment vous voulez que des militaires patrouillent comme les Assimi Goïta acceptent d'appliquer un tel papier et des toilettes? Ça ne passe pas. Et autre chose dans cet accord, quand on vous dit que l'exécutif régional qui doit être élu au suffrage direct ne doit pas être nommé par le président et par le gouvernement central, mais l'exécutif régional doit être élu au suffrage direct. Et cet exécutif régional peut octroyer des marchés sur des ressources naturelles, des matières premières. Mais quel pays au monde va accepter un tel accord? Le Mali l'a signé, puisqu'ils ont dit qu'ils ont signé l'accord de Minsk, et à l'époque, pour permettre à l'Ukraine de s'armer, sans doute le Mali aussi a signé ses fameux accords, pour permettre de s'armer tout simplement. Aujourd'hui, le Mali a été à un niveau que nul ne peut le contraindre d'appliquer cet accord, car ça ne respecte pas, en tout cas ça ne prend pas en compte les aspirations profondes du peuple malien. Et c'est le Malien lambda. C'est un accord qui n'a jamais été soumis à l'Assemblée nationale pour analyse. C'est un accord qui n'a été jamais soumis à un référendum. Pourtant, c'est un accord qui est censé toucher à la constitution du Mali dans tous les pays du monde. On doit signer des accords qui doivent s'adapter à la constitution en vigueur. Mais on ne doit pas signer un accord qui doit être au-dessus de la constitution et qui doit imposer une révision constitutionnelle pour que la constitution s'adapte à l'accord. Mais là, ça ne passe pas. C'est pourquoi j'appelle ça un accord de capitulation. Ce n'est pas que moi. Vous pouvez venir à Afrique Média faire un sondage auprès de l'opinion nationale au Mali. Vous allez voir que les Maliens, dans leur grande majorité, ne se reconnaissent pas dedans. Si c'est un accord qui avait été soumis au référendum, là, on allait dire d'accord. Mais ce n'est pas un accord sur lequel les Maliens se sont prononcés. Et aujourd'hui, ça engage pourtant l'avenir du pays. Ça engage des pas de souveraineté du Mali. Et pour cela, c'est simple. Il faut tout simplement soumettre cet accord à un référendum. Si le référendum rejette l'accord, il faut réviser. Donc, résultat, on a été dans une sorte de ce qu'ils appellent l'impasse. Mais honnêtement, c'est une position patiemment. Et on sait qu'on ne peut pas bouger d'un iota. Le Mali ne peut pas aller plus en avant. Parce que dans l'accord, il y a ce qu'on appelle DDR. DDR, c'est quoi? Démobilisation, désarmement et réinsertion. Mais les gens de la CEMA n'ont pas encore été désarmés. Alors, s'ils ne sont pas désarmés, on ne peut pas continuer à appliquer l'accord. Le Mali a appliqué l'accord jusqu'à un niveau où on dit ça suffit. Parce que les gens de la CEMA sont présents au sein du gouvernement, dirigé par le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les gens de la CEMA sont au sein de ce qu'on appelle l'organe législatif qui est le CNT, le Conseil national de la transition. Les gens de la CEMA sont au niveau d'autres institutions. Mais en échange, la CEMA doit être désarmée. Là où ça fait mal encore, quand Yad Agali vient s'afficher avec les groupes armés de la CEMA, ce qui n'est pas normal, c'est inadmissible. Puisque l'accord d'Alger est censé dissocier ces terroristes de la CEMA des terroristes comme les Yad Agali. Or, aujourd'hui, quand Yad Agali vient s'afficher avec eux, ils sont fiers de pavaner avec Yad Agali, mais cela met fin à l'accord d'Alger. L'avion, le survol de la ville de Kidal par l'avion malien. Pourquoi ça dérange? Parce que l'avion a survolé des positions, non pas de la CEMA, mais aussi la base de l'aménagement. Et des photos ont été prises. On sait ce qui s'y trouve. Et ça fait mal. Aujourd'hui, ces localités sont encerclées par l'armée malienne. On n'a pas à se précipiter, aller autour d'un accord. Ce qu'il y a, il ne s'agit pas de renégocier l'accord d'Alger. Il s'agit de trouver un autre accord qui va prendre en compte, bien sûr, la montée en puissance de l'armée malienne, la force aujourd'hui que possède le Mali. L'autre accord avait pris en compte les faiblesses de l'armée malienne. Et aujourd'hui, il faut un autre accord qui puisse prendre en compte la puissance de l'armée malienne et bien sûr la détermination du peuple malien. Sans cela, je vous dis, cet accord, on ne bouge pas de Niota. Ça peut arranger un autre pays, un autre peuple. Mais nous, en tant que Maliens, aujourd'hui, ça ne nous arrange pas. D'où ce blocage. Et quand on va rester dans ce blocage, jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles situations. Pour le moment, je pense que le Mali n'applique pas cet accord. Le colonel Goïta, les cinq colonels savent qu'ils ne peuvent pas faire appliquer cet accord. Aucune autorité du Mali. Et Ibeka est tombée à cause de cet accord. Et les cinq colonels savent que leur service joue à partir à cause de cet accord qui est inapplicable, qui peut arranger d'autres, mais qui n'arrange à rien le Mali. On ne peut rien me citer dans cet accord qui puisse arranger le Mali. Cet accord, je vous ai cité quelques articles. Je peux en citer d'autres encore et je peux même vous envoyer cet accord. C'est en réalité un accord de capitulation. C'est comme l'accord de Vichy. Le régime Ibeka, il faut comparer ça au gouvernement de Pétain à la France. Et aujourd'hui, si la France est dit libérée par De Gaulle et nous autres qui avons participé, il faut comprendre que le Mali aujourd'hui est en voie de libération portée aujourd'hui par les cinq colonels et il n'est pas question de nous retourner dans Vichy. Je vous remercie. Votre intervention, Général Issa Diawara. Afrique Média, le monde, c'est nous.